dédicace, tout d'abord, à mon frère. Sans lui je ne serais pas BNR et mon crew ne serait pas les mains en l'air. C'est clair, ce son, c'est une équipe, ouais. BNR sort ses tripes. C'est pour les hautes scènes, BNR mon flow de scène, honte scène. Pour mon rap, faut tu signes pour le sens, je vais t'inciter à kiffer, voilà, ses alentours, Raccoin Boulevard, J-Soy et tout le X-Bar. À devenir Stockman en mode Nips, Renan, Dom, Steve, Montrouge, Jonathan, je t'oublie pas, bien sûr. 92, là où j'ai fait mes premiers pas, je commence bien sûr par mon 9-2. Un état d'être, une religion, à ma ville ici, à mon équipe de la passe, Kamel, Ish, à Pilon, Châtillon, à Séverine, Cité, à Gary, Steve et leur équipe, au mec des Varennes d'ici, Flo, Ro, Alexis, à toute l'équipe de Mairie, à Goon de Clichy, de Picasso à l'hôtellerie, au numéro 9, aux voisins Nadin, Matrix et aux épinettes, ici trafic de plaquettes, à nos voisins de devant, à mon Raka, au mec du bas, sans oublier Aurore, et nos petits sont morts, j'en place une pour le 7-5, à Comar l'ancien, à Sidi, à Ferrandi, au bouc 2005, meilleur cru d'apprenti. A toi Naropier, on a du 13 pour inventer nos projets. Dédicace 9-4 à mon mec sec. J'ai Carona, Yacine, Nordine, à mon pote de Créteil, à tous les tours du Montmélie. 27, 9-4, Cara, à mon pote Péra. J'oublie pas le 9-3, sérieux Maluco, c'est le dot pour un mardi ici au 7-7. J'oublie pas Mickey, HL ou Singe, 7-8. Souvenir à Mika et à Ami, journée terrasse, soirée pute, à PES au tir au but. Ouais. De Ronnie à mort, très joli. Mes points du terrain qui moule le maillot, ceux du PSG. J'en suis fier comme ma femme sur qui je peux compter. À Nejma, dans le rat, ta voix brille. À mon coup, sans rire, t'es parti en vrille. Avec le beurre, Tarnano, Elias, écoute ça. Ville juif, c'est la sauce dans le vif. Le retour, c'est mon blast en blague, c'est mes phases dans vos blogs. Oublie personne, sinon je bug. BNR, la bague au doigt. Amokra, Westruya, toujours là, prêt à se taper un regard. Mais si quand je te dis au revoir, je suis jamais sûr de te revoir. À Sofiane, mon pote, Belleville, ton squad, j'en ferai un verre de Sky. Aussi Boucaccio, Omuro, à l'aise, 20ème, Saint-Blaise. Ouais, spécial à la XV, à la Grande Armée. Adam, souviens, vacances passées. De Boulogne en enfer, sans toi qui serais billionnaire. Ouais, c'est l'histoire de frères. Dédicace, ouais, dédicace ce son pour mon frère. Non par saint mais par choix. C'est clair, sans lui je ne serais pas billionnaire. Avec mon crew ne serait pas les mains en l'air. En équipe quand billionnaire sort ses tripes. Ouais, quand billionnaire se saigne, on signe pour billionnaire. C'est billionnaire qui signe pour les hauts de saigne qui se saigne pour les hauts de saigne qui signe pour les hauts de saigne qui se saigne. C'est BNR, on a signé pour BNR, pour SCN, c'est on.